Mireille Kanyang. Merci Madame, Monsieur de nous rester fidèles. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Les familles des victimes de la récente attaque de Wuringa en commune Gihanga de la province Bubanza réclament justice et se sont exprimées ce samedi lors de l'inhumation des corps. Un spécialiste des partis politiques appelle le parti CNL et le ministère burundais de l'Intérieur au dialogue. Dans cette édition, on se rendra en province Kayanza pour vous parler de cette compétition en poésie en quatre langues. Et c'est pour redynamiser surtout la langue française. Et au Tchad, le président de transition est officiellement candidat au présidentiel. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Anselme Irambona. Oh, bonsoir. Les familles des victimes de la récente attaque de Wuringa en commune Gihanga de la province Bubanza réclament justice et se sont exprimées ce samedi lors des cérémonies d'inhumation des 9 victimes au cimetière de Mwanda pour le compte de l'État. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, a tranquillisé ses familles, rappelant que le procureur général de la République a ouvert 2 dossiers pénaux, dont celui de Wuringa. Il a en outre annoncé que toutes les factures des soins médicaux pour les blessés seront supporté par l'État. Le point avec Spes Caritas Cabagnana. Tous les discours au cours de ces cérémonies d'inhumation de 9 victimes de l'attaque perpétrée par des hommes armés à Wuringa dans la nuit de ce dimanche tournaient autour des remerciements et de soutien tant moral que matériel envers les familles des victimes qui demandent que justice soit faite et que les auteurs soient traduits en justice. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans son discours, a précisé que les dossiers sont déjà ouverts et que les enquêtes sont en cours et que les auteurs seront sanctionnés conformément à la loi une fois identifiés. Martin Interetse a également précisé que toutes les factures des rescapés, les blessés en train d'être soignés dans différents hôpitaux seront supportées par le gouvernement. Martin Interetse a également donné un message envoyé par le président de la République, un message de soutien et de réconfort envers les familles des victimes. Le ministre de l'Intérieur a également rappelé d'autres forfaits comme l'attaque à Gatumba ainsi que la destruction du pont de la rivière Kajeke sur la route nationale numéro 5, la route Bujumbura-Cibitoke. Et il a terminé en rassurant que des mesures adéquates ont été prises pour renforcer la sécurité. Et il a demandé à la population d'éviter des rumeurs qui deviennent de plus en plus nombreuses, surtout sur les réseaux sociaux. Et le gouverneur de Bubanza, Cléophas Nizigimana, a demandé aux habitants de la province de Bubanza de rester sereins pour la paix et la sécurité et éviter tous les malfaiteurs qui ont l'intention de les diviser. Spes Caritas Kabanyana, Buringa, Radio Isanganiro. Page politique de cette édition, les mésententes entre le ministère burundais de l'Intérieur et le parti CNL n'ont plus raison d'être quant au congrès que ce parti voudrait organiser ce samedi. Analyse d'un expert en matière des partis politiques après le refus du ministère burundais de l'Intérieur par rapport à l'organisation de ce congrès, selon professeur Denis Banchimiyoussa. D'un côté, le parti CNL devrait l'avoir fait au cours de la période de suspension. De l'autre, l'interdiction du ministère n'est pas fondée puisque la sanction infligée au parti n'est plus d'actualité suivant la loi régissant les partis politiques. On l'écoute au micro d'Alain Désiré Boukenez. En réalité, lorsque la crise a éclaté, le ministre de l'Intérieur, ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, a demandé au président et représentant légal de ce parti d'organiser une réunion pour dénouer la crise. Et par la même correspondance, le ministre de l'Intérieur reconnaissait Gwasa Agathon comme représentant légal et président du CNL. Mais cette activité n'a pas été organisée à ce moment-là. C'est là l'erreur alors du parti CNL et surtout de ses leaders. Les deux partis, les deux branches, auraient dû se mettre ensemble pour se plier à la recommandation du ministre et organisé un congrès de réunification à ce moment-là. Il avait quel délai? Il avait le délai de 6 mois. Ce n'est pas un délai accordé par la correspondance du ministre, c'est un délai accordé par la loi régissant les partis politiques, et j'y reviens. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui du ministre. Le ministre qui reçoit cette correspondance. D'abord, en revenant en arrière, le ministre a suspendu les activités du parti CNL. D'après la loi régissant les partis politiques, on doit préciser les délais de suspension. C'est la loi, l'article 62. Mais ça n'a pas été le cas. Mais la même loi, le même article, précise que aucune suspension ne peut aller au-delà de 6 mois. C'est-à-dire, après 6 mois, le parti CNL a le droit de reprendre ses activités. Mais le ministre continue à dire que les activités du parti CNL sont encore en suspension. La loi tranche. La loi a déjà tranché. Ce ministre, s'il devait avoir une bonne volonté pour arriver à la réunification du parti CNL, devrait alors saisir cette occasion faite par le président et représentant légal du CNL de demander ce congrès et lui accorder la permission d'organiser ce congrès. Surtout que le président du parti a demandé que le ministre soit représenté dans ce congrès et que les forces de l'ordre soient là pour assurer le bon déroulement de ce congrès. Ce politologue et enseignant d'université trouve que le ministère et le parti CNL devraient dialoguer. Sinon, si la situation persiste, c'est à la Cour suprême de trancher une fois saisie par cette formation politique. Suivez-le encore une fois. Normalement, ça devrait être la justice qui devrait trancher d'après la loi. Parce que même si l'article 62 de la loi régissant les partis politiques dit que le ministre a la prérogative de suspendre temporairement les activités d'un parti politique, mais les représentants de ce parti peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour porter plainte. Alors, pour ce cas-ci, le différend devait se terminer en justice. Quel appel lancer aux deux parties, je dirais, à cet organe de régulation des partis politiques, à savoir le ministère et au parti CNL? Normalement, il faut que les deux parties manifestent une bonne volonté, chacun à ce qui la concerne. C'est-à-dire quoi? Gwasa Agathon a commis l'erreur de ne pas se plier à l'injonction du ministre à temps. Il le fait tardivement. Il est devenu anachronique. Alors, il a quand même manifesté une bonne volonté conformément à l'injonction du président de la République, mais aussi à celle du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une bonne volonté. Je lui recommanderais de continuer toujours à chercher la voie pour avoir ce congrès de réunification. Et si le ministre n'est pas d'accord aujourd'hui, il pourrait être d'accord demain. Et quant au ministre, je lui demanderais d'endosser le costume d'un ministre au service de tout le monde. Le ministre demande que le parti dénoue la crise. Mais d'un autre côté, les activités sont suspendues. N'est-ce pas une chose et son contraire? Ce n'est pas une chose et son contraire, même si ça devrait l'être. Dans la correspondance que le ministre a adressée au parti CNR, suspendant ses activités, il lui a dit que, il lui a recommandé que s'il voulait alors unifier le parti, il demandera la permission. C'est ce que Gwasa vient de faire. Et pour arriver à l'officiel, il faut passer par l'officieux. C'est-à-dire qu'il y a des démarches internes au sein du CNL qui doivent être faites et le congrès ne sera qu'un couronnement des démarches internes qui auront été faites. C'est donc ce que Gwasa vient de faire et il fallait que le ministre soit d'accord pour voir si réellement il y aura réunification. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 18h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Inauguration ce samedi à Rumonge de l'université Laudato Si, le palmier dans une messe inaugurale. Monseigneur Salvatore Nicitirezze, évêque du diocèse catholique de Bururi, initiateur de ce projet, dit qu'il s'agit d'une contribution de ce diocèse dans le développement intégral de la personne humaine. Au cours de l'année académique prochaine, des homes universitaires seront déjà construites. Le point avec Jean-Pierre Misago. À côté de sa contribution à l'augmentation de l'effectif de ceux qui fréquentent les universités, dans cette localité où les relayats d'université sont encore moins nombreux, le diocèse catholique de Bururi veut que tout l'oreillat de l'enseignement post-fondamental, même le moins anti, puisse faire l'enseignement supérieur selon Monseigneur Salvatore Niciterese, évêque du diocèse catholique de Bururi, initiateur de ce projet. Pour cela, cet évêque appelle à la contribution de tout un chacun, des élèves, des éducateurs, mais aussi et surtout les responsables des différentes paroisses de son ressort pour y arriver. Cet évêque veut la contribution de tout âme charitable pour aider les enfants pauvres mais intelligents à fréquenter cette université. Au gouvernement, cet évêque voudrait que la prébourse concerne également ceux fréquentant les universités privées. Il demande aussi l'autorisation de l'ouverture des instituts et l'enseignement master si les conditions sont remplies. Il annonce que dès l'année académique prochaine, des hommes pour les filles seront également aménagés. Pour François Avialimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, cette demande fera objet d'une analyse. Le ministre de l'Éducation dans ses attributions demande à cette jeune université de toujours observer la loi pour ne pas subir le même sort qu'une autre université de Rumongué fermée pour le non-respect de la loi. François Zalimana salue cette initiative de construire des hommes pour les jeunes étudiantes et demande aux autres institutions universitaires de lui emboîter le pas. Cette université ayant ouvert ses portes au public le 8 janvier 2024 compte à son actif 76 étudiants, dont 20 Congolais. Jean-Pierre Misago depuis Rumongué, Radio Isanganiro. Retour en mairie de Bujumbura pour parler hygiène. Les habitants de la zone urbaine de Kamenge se plaignent vu que les associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette zone le font tardivement. Ils demandent au gouvernement de suivre de près les activités des associations chargées de collecter les déchets ménagers pour ne pas souffrir des maladies des mains sales. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Les habitants de la zone urbaine Kamenge indiquent que les associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette zone viennent une fois par mois pour faire l'opération de collecte au moment où les déchets sont entassés alors qu'ils ont payé auparavant. Nous demanderions aux journalistes de porter loin notre voix pour que les associations chargées de collecter les déchets ménagers viennent au moins deux fois par semaine car ils ne les dégagent qu'une fois par mois. Quand les déchets ont déjà débordé. Leur priorité est de collecter l'argent, mais ils ne viennent pas régulièrement. Certains d'entre eux témoignent que ce débordement des déchets provoque plus souvent des maladies, des mains sales. Cette situation a pour conséquence la recrudescence des maladies liées au manque d'hygiène, notamment la diarrhée et le choléra. Comme conséquence, c'est le manque d'hygiène. Là où il y a les saletés, les mouches ne manquent pas. Et celles-ci sont à l'origine de plusieurs maladies comme le choléra. Nous sollicitons le gouvernement à sensibiliser ces sociétés afin de faire convenablement ce travail. Elles collectent beaucoup d'argent, mais quand il s'agit de dépenser, on observe un ralentissement. Il demande au gouvernement de suivre de près les activités de ces associations chargées de collecter les déchets ménagers dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Nous demandons au gouvernement de suivre de près les activités de ces associations chargées de collecter les déchets ménagers afin qu'elles évacuent ces déchets régulièrement. Nous avons cherché l'association Usafi Kwetu chargée de collecter les déchets ménagers dans la zone urbaine Kamenge sans succès. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane, en province, Kayanza, une quatrième édition de la compétition en poésie en quatre langues enseignées à l'école a été organisée vendredi. Les compétiteurs du cycle fondamental et du poste fondamental de toutes les communes scolaires de Kayanza étaient en compétition. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation en province Kayanza, indique que cette activité vise la redynamisation de l'enseignement apprentissage des langues, surtout le français, qui est une langue d'enseignement au Burundi. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Cette compétition en poésie organisée sous le thème éducation de qualité et inclusive et source de développement durable a débuté au niveau des écoles le mois de janvier où on avait au total 704 compétiteurs parmi lesquels on a sélectionné 72 meilleurs qui se sont rencontrés dans la finale ce vendredi. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que cette compétition est organisée pour pallier aux problèmes liés à la chute du niveau du français chez les élèves. L'objectif de cette compétition, c'est de contribuer à remédier à la baisse de niveau en langue, plus particulièrement en français, la langue non seulement enseignée, mais la langue d'enseignement. Parce que si on ne comprend pas la langue d'enseignement, on a des difficultés à se retrouver facilement dans les autres disciplines qui sont enseignées. Certains des enseignants des langues à Kayanza contactés disent que le niveau du français des élèves a sensiblement baissé, mais apprécient positivement cette initiative de la DPI Kayanza d'organiser des compétitions qui vise à revaloriser l'enseignement apprentissage des langues, surtout celles françaises. En tant qu'enseignant, on remarque une chute de la langue française. Les élèves ne maîtrisent plus la langue, on ne voit pas où on est. Cette activité encourage beaucoup un élève. Mon appréciation vis-à-vis de cette compétition en poésie organisée par la DPI Kayanza est sans équivoque dans la mesure où cette dernière aide nos élèves à surmonter leur paresse intellectuelle en langue. Même son de cloche avec Ildefonse Ngurunziza, doyen de la faculté des lettres à l'université d'Ngozi. J'apprécie cette activité qui a été organisée par DPI Kayanza et je vois que si des commissions du genre continuent, ça pourrait les réveiller et les motiver et les intéresser à avoir un goût aux langues. Et si les autres provinces pouvaient prendre le modèle de Kayanza, ce serait une grande chose. Au terme de la compétition, 4 élèves du cycle fondamental et 4 autres du poste fondamental qui se sont classés premiers ont été décerné des prix composés par des enveloppes, des uniformes scolaires et du matériel scolaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganiro. Quelques brèves en international avant de clore cette édition au Tchad. Le chef de la transition, Mahamat Idriss Déby, est officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai de cette année. Il a déclaré sa candidature dans la matinée de ce samedi 2 mars au cours d'une cérémonie organisée par la coalition formée en vue du scrutin par le MPS, le parti fondé par son père Idriss Déby Itno. Et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a accusé Israël, je cite, d'un massacre massif de Palestiniens. Fin de citation, et a appelé à une enquête internationale après une distribution d'aide humanitaire qualifiée de tragique lors de laquelle des tirs israéliens et une bousculade ont fait plus d'une centaine de morts, rapporte l'agence France Presse. Et voilà, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de presse. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Un projet mal parti, titre l'éditorialiste du journal Burundi Echo, allusion faite ici à la fameuse agence de collecte de la récolte Anagessa, par lequel le gouvernement propose un prix d'achat aux producteurs de céréales pour les revendre à plus cher aux consommateurs. Mais cette façon de faire a été dénoncée par le très honorable président du Sénat. Il a insisté sur le fait que les agriculteurs deviennent réticents à vendre leurs récoltes selon les prix référencés, rapporte toujours son confrère. Selon l'analyse de l'ONG locale Parsem, poursuit cet hebdomadaire socio-économique, la pratique du commerce par le gouvernement risque de renforcer la corruption des cadres de l'État et le détournement, étant donné qu'une grande partie des hauts cadres sont devenus des commerçants. Et Joseph Ndouimana, directeur général de l'Anagessa, de rétorquer en déclarant que la campagne de collecte de graines de maïs est loin d'avoir des fins commerciales, mais que cela rentre dans le devoir du gouvernement du Burundi d'assurer le bien-être de la population. Du sucre à base de sorgho blanc bientôt au Burundi, annonce un blogueur du collectif Yaga. En effet, précise ce blogueur, depuis ce mois de février, dans la province Muyinga, une société ougandaise dénommée Jitmat a débuté les activités de construction d'une industrie agroalimentaire qui fabriquera divers produits, dont le sucre à base du sorgho blanc. Le responsable de la société rassure que le sorgho blanc contient un niveau de saccharose dans ses tiges, mais ce blogueur note aussi la nuance apportée par le professeur Pascal Kakana, je cite, « À propos de la tige du sorgho, que ça soit rouge ou blanc, il y a du saccharose, mais à une quantité faible. Peut-être qu'il existe des variétés qui ont du saccharose à un niveau supérieur par rapport aux autres variétés cultivées au Burundi, explique-t-il, tout en ajoutant qu'avec les variétés cultivées actuellement au Burundi, il est pratiquement impossible. » Fin de citation. Revue de la presse. Une maladie inconnue de porc en commune Kanyosha, alerte l'agence burundaise de presse, qui précise que c'est dans les zones Ruyaga et Muyira en province Bujumbura, citant un communiqué du technicien vétérinaire Eri Wigirimana, sous l'accord de Madame Trifine Safari, administrateur de cette commune. Selon toujours l'ABP, les éleveurs de porcs informés de cette maladie doivent respecter certaines mesures pour ne pas donner libre cours à sa propagation, notamment l'arrêt de mouvement de porcs et de leur viande, l'interdiction de la vente des porcs et de leur viande grillée, l'interdiction de tout mouvement de femelles en quête de mâles, poursuit au quotidien. Les éleveurs doivent faire soigner leurs bêtes chez des personnes agréées par l'État, écrit encore son confrère, et ces mesures pourraient être levées après les examens de laboratoire en cours, ajoute le communiqué cité par l'agence burundaise de presse. Bernard Niwizi, la fin de la clandestinité, écrit Net Press. Des informations en provenance de la province de Rutana rapportent que le responsable des jeunes du Parti de l'Aigle dans la commune de Musongati, Bernard Niwizi, qui était entré en clandestinité depuis 2 mois, a finalement été arrêté par la police locale. Son confrère rappelle qu'il est soupçonné d'avoir pris part à l'assassinat d'un jeune homme du nom de Josué Iraganje au mois de décembre de l'année dernière, et sa fuite a pris fin dans un bistrot au chef-lieu de la localité de Giharo de la province de Rutana dans la soirée du 26 février où il était en train d'étancher sa soif, souligne encore le quotidien en ligne Net Press, précisant encore que Bernard Niwizi a été arrêté par le commissaire provincial de police, Charles Bondo Nzimhora. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.